Jusqu'alors, je m'étais étonné de la façon dont M. Méchiné conduisait ce rapide interrogatoire. Mais maintenant, je me l'expliquais. Je devinais la suite. Je voyais quel piège il allait tendre au prévenu. « Autre chose, » reprit-il brusquement. « Où avez-vous acheté le revolver qui vous a servi à commettre le meurtre ?» Nulle surprise ne parut sur le visage de Monistrol. « Je l'avais en ma possession depuis longtemps, » répondit-il. « Qu'en avez-vous fait après le crime ? Je l'ai jeté sur le boulevard extérieur. » « C'est bien, » prononça gravement M. Méchiné. « On fera des recherches, on le retrouvera certainement. » Et après un moment de silence. « Ce que je ne m'explique pas, c'est que vous vous soyez fait suivre de votre chien. »« Quoi ? Comment ? Mon chien ?»« Oui, Pluton, le concierge l'a reconnu. » Les poings de Monistrol se crispèrent. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais une réflexion soudaine traversant son esprit, il se rejeta sur son lit en disant d'un accent d'inébranlable résolution, « C'est assez me torturer. Vous ne m'arracherez plus un mot. » Il était clair qu'insister en perdrait sa peine. Nous nous retirâmes donc, et une fois dehors, sur le quai, saisissant le bras de M. Méchiné, « Vous l'avez entendu. Ce malheureux ne sait seulement pas de quelle façon a péri son oncle. Est-il possible encore de douter de son innocence ?» Mais c'était un terrible sceptique que ce vieux policier. « Qui sait ? Répondit-il. « J'ai vu de fameux comédiens en ma vie. Mais en voici assez pour aujourd'hui. » « Ce soir, je vous emmène manger ma soupe. Demain, il fera jour, et nous verrons. » Il n'était pas loin de 10 heures lorsque M. Méchiné, que j'escortais toujours, sonna à la porte de son appartement. « Je n'emporte jamais de passe-partout, » me dit-il. « Dans notre sacré métier, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a bien des gredins qui m'en veulent, et si je ne suis pas toujours prudent pour moi, je dois l'être pour ma femme. » L'explication de mon digne voisin était superflue, j'avais compris. J'avais même observé qu'il sonnait d'une façon particulière, qui devait être un signal convenu entre sa femme et lui. Ce fut la gentille Madame Méchiné qui vint nous ouvrir. D'un mouvement presque et gracieux autant que celui d'une chatte, elle sauta au cou de son mari en s'écriant « Te voilà donc !» Je ne sais pourquoi j'étais presque inquiète. Mais elle s'arrêta brusquement, elle venait de m'apercevoir. Sa gaie physionomie s'assombrit, elle se recula, et s'adressant autant à moi qu'à son mari. « Quoi ? » reprit-elle. « Vous sortez du café à 7 heures ? Cela n'a pas le sens commun. » M. Méchiné avait aux lèvres l'indulgent sourire de l'homme sûr d'être aimé, qui sait pouvoir apaiser d'un seul mot la querelle qu'on lui cherche. « Ne nous gronde pas, Caroline, » répondit-il, m'associant à sa cause par ce pluriel. « Nous ne sortons pas du café, et nous n'avons pas perdu notre temps. On est venu me chercher pour une affaire. » Pour un assassinat commis au Batignolles. D'un regard soupçonneux, la jeune femme nous examina alternativement, son mari et moi, et quand elle fut persuadée qu'on ne la trompait pas, elle fit seulement « Ah !» Mais il faudrait une page pour détailler tout ce que contenait cette brève exclamation. Elle s'adressa à M. Méchiné et signifiait clairement « Quoi ? Tu t'es confié à ce jeune homme, tu lui as révélé ta situation, tu l'as initié à nos secrets ?» C'est ainsi que je l'interprétais, ce « Ah, si éloquent, et mon digne voisin l'interpréta comme moi, car il répondit « Eh bien oui, où est le mal ? Si j'ai à redouter la vengeance des misérables que je livrerai à la justice, qu'ai-je à craindre des honnêtes gens ? T'imaginerais-tu par hasard que je me cache, que j'ai honte de mon métier ?»« Tu m'as mal compris, mon ami, » objecta la jeune femme. Monsieur Méchiné ne l'entendit même pas. Il venait d'enfourcher, je connus ce détail plus tard, un dade à favori qui l'emportait toujours. « Parbleu ! Poursuivit-il, tu as de singulières idées, madame ma femme. Quoi ? Je suis une des sentinelles perdues de la civilisation, au prix de mon repos et risque de ma vie. J'assure la sécurité de la société et j'en rougirais. Ce serait pas trop plaisant. Tu me diras qu'il existe, contre nous autres, de la police, quantité de préjugés ineptes légués par le passé. Que m'importe ? Oui, je sais qu'il y a des messieurs susceptibles qui nous regardent très haut. Mais sacre bleu ! Je voudrais bien voir leur mine si demain mes collègues et moi nous nous mettions en grève, laissant le pavé libre à l'armée de gredins que nous tenons en respect. » Accoutumée sans doute à des sorties de ce genre, Madame Méchiné ne souffla mot. « Eh bien, elle fit, car mon brave voisin ne rencontrant pas de contradiction, se calma comme par enchantement. « Mais en voilà assez, » dit-il à sa femme. « Il s'agit pour l'instant d'une chose bien autrement importante. Nous n'avons pas dîné. Nous mourrons de faim. As-tu de quoi nous donner à souper ?» Ce qui arrivait ce soir devait être arrivé trop souvent, pour que Madame Méchiné se laissât prendre sans verre. « Dans 5 minutes, ces messieurs seront servis, » répondit-elle avec le plus aimable sourire. En effet, le moment d'après, nous nous mettions à table devant une belle pièce de bœuf froid, servie par Madame Méchinet, qui ne cessait de remplir nos verres d'un excellent petit vin de Mâcon. Et moi, pendant que mon digne voisin jouait de la fourchette en conscience, considérant cet intérieur paisible qui était le sien, cette jolie petite femme prévenante qui était la sienne, je me demandais si c'était bien là un de ces farouches agents de la sûreté qui ont été les héros de tant de récits absurdes. Cependant, la grosse faim ne tarda pas à être apaisée, et M. Méchinet entreprit de raconter à sa femme notre expédition. Et il ne racontait pas à la légère. Il descendait dans les plus menus détails. Elle s'était assise à côté de lui, et à la façon dont elle écoutait, d'un petit air capable, demandant des explications quand elle n'avait pas bien compris, on devinait l'égérie bourgeoise, habituée à être consultée et qui a voix délibérative. Lorsque M. Méchinet eut achevé, « Tu as fait une grande faute, » lui dit-elle, « une faute irréparable. » Laquelle ? Ce n'est pas la préfecture qu'il fallait aller en quittant les Batignolles. Cependant, Monistrol, « Oui, tu voulais l'interroger. Quel bénéfice en as-tu retiré ? Cela m'a servi, ma chère amie, à rien. C'est rue Vivienne que tu devais courir chez la femme. Tu la surprenais sous le coup de l'émotion qu'elle a nécessairement ressentie à l'arrestation de son mari. Et s'il est complice, comme on doit le supposer, avec un peu d'adresse, tu la confessais. » J'avais bondi sur ma chaise à ces mots. « Quoi, madame ? » m'écriai-je. « Vous croyez Monistrol coupable ?» Après un moment d'hésitation, elle répondit « Oui ». Puis très vivement, « Mais je suis sûr, entendez-vous, absolument sûr, que l'idée du meurtre vient de la femme. Sur 20 crimes commis par les hommes, 15 ont été conçus, ruminés et inspirés par des femmes. Demandez à Méchinet. La déposition de la concierge eut dû vous éclairer. Qu'est-ce que c'est que cette madame Monistrol ? Une personne remarquablement belle, vous a-t-on dit, coquette, ambitieuse, rongée de convoitise, et qui mène son mari par le bout du nez. Or, quelle était sa position ? Mesquine, étroite, précaire. Elle en souffrait. Et la preuve, c'est qu'elle a demandé à son oncle de lui prêter 100 000 francs. Il les lui a refusés, faisant ainsi avorter ses espérances. Croyez-vous qu'elle ne lui en a pas voulu mortellement ? Allez, elle a dû se répéter bien souvent. S'il mourait, cependant, ce vieil avare, nous serions riches, mon mari et moi. Et quand elle le voyait bien portant et solide comme un chêne, fatalement elle se disait « Il vivra 100 ans. Quand il nous laissera son héritage, nous n'aurons plus de dents pour le croquer. Et qui sait même s'il ne nous enterrera pas. » De là à concevoir l'idée d'un crime, y a-t-il donc si loin ? Et la résolution, une fois arrêtée dans son esprit, elle aura préparé son mari de longue main. Elle l'aura familiarisé avec la pensée d'un assassinat. Elle lui aura pris, comme on dit, le couteau à la main. Et lui, un jour, menacé de la faillite, affolé par les lamentations de sa femme, il a fait le coup. Tout cela est logique, approuvait M. Méchinet. Très logique sans doute, mais que devenaient les circonstances relevées par nous ? Alors, madame, dis-je, vous supposez Monistrol assez bête pour s'être dénoncée en écrivant son nom ? Elle haussa légèrement les épaules et répondit : Est-ce une bêtise ? Moi, je soutiens que non. Puisque c'est votre argument le plus fort en faveur de son innocence. Le raisonnement était si spécieux que j'en demeurai un moment interdit, puis me remettant. « Mais s'il avoue coupable, madame, insistai-je, excellent moyen pour engager la justice à démontrer son innocence. Oh, vous en êtes la preuve, cher monsieur Godeuil. Eh, madame, le malheureux ne sait pas comment son oncle a été tué. Pardon, il a paru ne pas le savoir, ce qui n'est pas la même chose. » La discussion s'animait et elle eût duré longtemps encore si M. Méchinet n'y eût mis un terme. « Allons, allons, » dit-il bonnement à sa femme, « tu es pas trop romanesque ce soir. » Et s'adressant à moi, « Quant à vous, j'irai vous prendre demain et nous irons ensemble chez Mme Monistrol. » Et sur ce, comme je tombe de sommeil, bonne nuit. Il dut dormir, lui, mais moi, je ne pus fermer l'œil. Une voix secrète s'élevait du plus profond de moi-même qui me criait que Monistrol était innocent. Mon imagination me représentait avec une vivacité douloureuse les tortures de ce malheureux, seul dans sa cellule du dépôt. Mais pourquoi avait-il avoué ? Ce qui m'a manqué alors, 100 fois depuis, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte, c'était l'expérience, la pratique du métier. C'était surtout la notion exacte des moyens d'action et d'investigation de la police. Je sentais vaguement que cette enquête avait été mal ou plutôt légèrement conduite. Mais j'aurais été bien embarrassé de dire pourquoi, de dire surtout ce qu'il lui fallut faire. Je ne m'en intéressais pas moins passionnément à Monistrol. Il me semblait que sa cause était la mienne même,

me disait-il, pas un cancan, pas une médisance, pas une calomnie. Ah, ce n'est pas là ce que supposait Caroline. D'après elle, nous devions trouver une de ces boutiquières qui tiennent le haut du comptoir, qui étalent leur beauté encore plus que leurs marchandises, et qui relèguent à l'arrière-boutique leur mari, un aveugle imbécile ou un malpropre complaisant. Et pas du tout. Je ne répondis pas, n'étant guère moins déconcerté que mon voisin. Nous étions loin, maintenant, de la déposition de la concierge de la rue Lécluse, tant il est vrai que le point de vue varie selon le quartier. Ce qui passe au Batignolles pour une damnable coquetterie n'est plus rue Vivienne qu'une exigence de situation. Mais nous avions employé trop de temps déjà à notre enquête pour nous arrêter à échanger nos impressions et à discuter nos conjectures. Maintenant, dit M. Méchinet, avant de nous introduire dans la place, étudions-en les abords. Et rompu à la pratique de ces investigations discrètes au milieu du mouvement de Paris, il me fit signe de le suivre sous une porte cochère, précisément en face du magasin de Monistrol. C'était une boutique modeste, presque pauvre, quand on la comparait à celle qui l'entourait. La devanture réclamait le pinceau des peintres. Au-dessus, en lettres jadis dorées, maintenant fumées et noircies, s'étalait le nom de Monistrol. Sur les glaces, on lisait « Or et imitation ». Hélas, c'était de l'imitation surtout qui reluisait à l'étalage. Le long des tringles pendaient force chaînes en doublé, des parures de jais, des diadèmes constellés de cailloux du Rhin, puis des colliers jouant le corail et des broches et des bagues, et des boutons de manchettes rehaussés de pierres fausses de toutes les couleurs. Pauvre étalage, en somme, je le reconnus d'un coup d'œil, et qui ne devait pas tenter les voleurs à la vrille. « Entrons, » dis-je à M. Méchinet. Il était moins impatient que moi, ou savait mieux contenir son impatience, car il m'arrêta par le bras en disant « Un instant. » Je voudrais au moins entrevoir Madame Monistrol. » Mais c'est en vain que, durant plus de 20 minutes encore, nous demeurâmes plantés à notre poste d'observation. La boutique restait vide, Madame Monistrol ne paraissait pas. « Décidément, c'est assez de faire le pied de grue, » s'exclama enfin mon digne voisin. « Arrivez, Monsieur Godeuil, risquons-nous. » Pour être au magasin de Monistrol, nous n'avions qu'à traverser la rue. Ce fut fait en 4 enjambées. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, une petite servante de 15 à 16 ans, malpropre et mal peignée, sortit de l'arrière-boutique. « Qu'est-il pour le service de ces messieurs ? » demanda-t-elle. « Madame Monistrol. »« Elle est là, messieurs. Je vais la prévenir parce que, voyez-vous, » M. Méchinet ne lui laissa pas le loisir d'achever. D'un geste passablement brutal, je l'avoue, il l'écarta du passage et pénétra dans l'arrière-boutique en disant « C'est bon, puisqu'elle est là, je vais lui parler. » Moi, je marchais sous les talons de mon digne voisin, persuadé que nous ne sortirions pas sans connaître le mot de l'énigme. C'était une triste pièce que cette arrière-boutique, servant tout à la fois de salon, de salle à manger et de chambre à coucher. Le désordre y régnait, et plus encore, cette incohérence qu'on remarque chez les pauvres qui s'efforcent de paraître riches. Au fond était un lit à rideaux de damas bleu, dont les oreillers étaient garnis de dentelles, et devant la cheminée se trouvait une table tout encombrée des débris d'un déjeuner plus que modeste. Dans un grand fauteuil, une jeune femme blonde était assise, ou plutôt gisait une jeune femme très blonde, tenant à la main une feuille de papier timbré. C'était Madame Monistrol. Et certes, quand il nous parlait de sa beauté, tous les voisins étaient restés bien au-dessous de la réalité. Je fus ébloui. Seulement une circonstance me déplut. Elle était en grand deuil, vêtue d'une robe de crêpe légèrement décolletée qui lui seyait merveilleusement. C'était trop de présence d'esprit pour une si grande douleur. Il me sembla voir là l'artifice d'une comédienne revêtant d'avance le costume du rôle qu'elle doit jouer. À notre entrée, elle se dressa d'un mouvement de biche effarouchée et d'une voix qui paraissait brisée par les larmes. « Que voulez-vous, messieurs ?»« Tout ce que j'avais observé, M. Méchinet l'avait remarqué comme moi. »« Madame, » répondit-il durement, « je suis envoyé par la justice, je suis un agent du service de la sûreté. » À cette déclaration, elle se laissa d'abord retomber sur son fauteuil avec un gémissement qui eût attendri un tigre. Puis, tout à coup, saisie d'une sorte d'enthousiasme, l'œil brillant et la lèvre frémissante. « Venez-vous donc pour m'arrêter ? » s'écria-t-elle. « Alors, soyez bénie. Tenez, je suis prête. Emmenez-moi. Ainsi, j'irai rejoindre cet honnête homme que vous avez arrêté hier soir. Quel que soit son sort, je veux le partager. Il est innocent, comme je le suis moi-même. N'importe. S'il doit être victime d'une erreur de la justice humaine, ce me sera une dernière joie de mourir avec lui. » Elle fut interrompue par un grognement sourd qui partait d'un des angles de l'arrière-boutique. Je regardai et j'aperçus un chien noir, les poils hérissés et les yeux injectés de sang, qui nous montrait les dents prêts à sauter sur nous. « Taisez-vous, Pluton !» fit Madame Onistrol. « Allons, allez vous coucher. Ces messieurs ne me veulent pas de mal. » Lentement et sans cesser de nous fixer d'un regard furieux, le chat se réfugia sous le lit. « Vous avez raison de dire que nous ne vous voulons pas de mal, madame, » reprit M. Méchinet. « Nous ne sommes pas venus pour vous arrêter. » Si elle entendit, il n'y parut guère. « Déjà ce matin, » poursuivit-elle, « j'ai reçu ce papier que je tiens et qui me commande de me rendre ce tantôt à 3 heures au palais de justice dans le cabinet du juge d'instruction. Que veut-on de moi, mon Dieu, que veut-on de moi ?»« Obtenir des éclaircissements qui démontreront, je l'espère, l'innocence de votre mari. » « Ainsi, madame, ne me considérez pas comme un ennemi. Ce que je veux, c'est faire éclater la vérité. » Il arbora sa tabatière, y fourra précipitamment les doigts, et d'un ton solennel, que je ne le connaissais pas. « C'est vous dire, madame, de quelle importance seront vos réponses aux questions que je vais avoir l'honneur de vous adresser. Vous convient-il de me répondre franchement ?» Elle s'arrêta longtemps, ses grands yeux bleus noyés de larmes sur mon digne voisin, et d'un ton de douloureuse résignation. « Questionnez-moi, monsieur. » dit-elle. Pour la troisième fois, je le répète, j'ai été absolument inexpérimenté. Et cependant, je souffrais de la façon dont M. Méchinet avait entamé cet interrogatoire. Il trahissait, me paraissait-il, ses perplexités, et au lieu de poursuivre un but arrêté d'avance, portait ses coups au hasard. Ah, si on m'eût laissé faire! Ah, si j'avais osé! Lui, impénétrable, s'était assis en face de Mme Onistrol. Vous devez savoir, madame, commença-t-il, que c'est avant-hier soir, sur les 11 heures, qu'a été assassiné le sieur Pigoreau, dit Anténor, l'oncle de votre mari. Hélas! Où était à cette heure-là M. Monistrol? Mon Dieu, c'est une fatalité. M. Méchinet ne sourcilla pas. Je vous demande, madame, où votre mari a passé la soirée d'avant-hier? Il fallut à la jeune femme du temps pour répondre, parce que les sanglots semblaient l'étouffer, enfin se maîtrisant. Avant-hier, gémit-elle, mon mari a passé la soirée hors de la maison. Savez-vous où il était? Oh, pour cela, oui. Un de nos ouvriers qui habite Montrouge avait à nous livrer une parure de perles fausses et ne la livrait pas. Nous risquions de garder la commande pour compte, ce qui eût été un désastre, car nous ne sommes pas riches. C'est pourquoi, en dînant, mon mari me dit « Je vais aller jusque chez ce gaillard-là ». Et en effet, sur les 9 heures, il est sorti, et même, je suis allé le conduire jusqu'à l'omnibus où il est monté devant moi, rue Richelieu. Je respirais plus librement. Ce pouvait être un alibi, après tout. M. Méchinet eut la même pensée et, plus doucement, « S'il en est ainsi, reprit-il, votre ouvrier pour affirmer qu'il a vu M. Monistrol chez lui à 11 heures ? Hélas, non. Comment ? Pourquoi ? Parce qu'il était sorti. Mon mari ne l'a pas vu. En effet, c'est une fatalité. Mais il se peut que la concierge ait remarqué M. Monistrol. Notre ouvrier demeure dans une maison où il n'y a pas de concierge. » Ce pouvait être la vérité. C'était à coup sûr une terrible charge contre le malheureux prévenu. « Et à quelle heure est rentré votre mari ?» continua M. Méchinet, un peu après minuit. « Vous n'avez pas trouvé qu'il était bien longtemps absent ?»« Ou si. Et même je lui en ai fait des reproches. Il m'a répondu pour s'excuser qu'il avait pris par le plus long, qu'il avait flâné en chemin et qu'il s'était arrêté à un café pour boire un verre de bière. Quelle physionomie avait-il en entrant ? Il m'a paru contrarié, mais c'était bien naturel. Quels vêtements avait-il, ce qu'il portait quand on l'a arrêté? Vous n'avez rien observé en lui d'extraordinaire? Rien. Debout, un peu en arrière de M. Méchinet, je pouvais à mon loisir observer le visage de Mme Onistrol et y surprendre les plus fugitives manifestations de ses impressions. Elle paraissait accablée d'une douleur immense. De grosses larmes roulaient le long de ses joues pâlies. Et cependant, il me semblait par moments découvrir au fond de ses grands yeux bleus comme un éclair de joie. Serait-elle donc coupable, pensais-je? Et cette idée qui déjà m'était venue, se représentant plus obstinément à mon esprit, je m'avançais vivement et d'un ton brusque. « Mais vous, madame, vous, où étiez-vous pendant cette soirée fatale, à l'heure où votre mari courait inutilement à Montrouge, à la recherche de son ouvrier ?» Elle arrêta sur moi un long regard plein de stupeur et doucement. « J'étais ici, monsieur. Des témoins vous l'affirmeront. » « Des témoins. »« Oui, monsieur. Il faisait si chaud ce soir-là que j'eus envie de prendre une glace, mais la prendre seule m'ennuyait. J'envoyai donc ma bonne invitée de mes voisines, Madame d'Ostriche, la femme du bottier, dont le magasin touche le nôtre, et Madame Rivaille, la gantière d'en face. Ces deux dames acceptèrent mon invitation et elles sont restées ici jusqu'à 11h30. Interrogez-les, elles vous le diront. Au milieu des épreuves si cruelles que je subis, cette circonstance fortuite est une faveur du bon Dieu. Était-ce bien une circonstance fortuite ? Voilà ce que, d'un coup d'œil plus rapide que l'éclair, nous nous demandâmes, M. Méchinet et moi. Quand le hasard est si intelligent que cela, quand il sert une cause avec tant d'à-propos, il est bien difficile de ne point le soupçonner d'avoir été quelque peu préparé et provoqué. Mais le moment a été mal choisi de découvrir le fond de notre pensée. « Vous n'avez jamais été soupçonné, vous, madame, » déclara effrontément M. Méchinet. « Le pire qu'on puisse supposer, c'est que votre mari vous ait dit quelque chose du crime avant de le commettre. Monsieur, si vous nous connaissiez... Attendez. Votre commerce ne va pas très bien, nous a-t-on dit. Vous étiez gêné. » Momentanément, oui, en effet. Votre mari devait être malheureux et inquiet de cette situation précaire. Il devait en souffrir, surtout pour vous, qu'il adore, pour vous qui êtes jeune et belle. Pour vous, plus que pour lui, il devait désirer ardemment les jouissances du luxe et les satisfactions d'amour-propre que procure la fortune. Monsieur, encore une fois, mon mari est innocent. D'un air réfléchi, M. Méchinet parut s'emplir le nez de tabac, puis tout à coup. Alors, sacrebleu, comment expliquez-vous ces aveux ? Un innocent qui se déclare coupable au seul énoncé du crime dont il est soupçonné, c'est rare cela, madame, c'est prodigieux. Une fugitive rougeur monta aux joues de la jeune femme. Pour la première fois, son regard, jusqu'alors droit et clair, se troubla et vacilla. « Je suppose, » répondit-elle d'une voix peu distincte et avec un redoublement de larmes, « je crois que mon mari, saisi d'épouvante et de stupeur, en se voyant accusé d'un si grand crime, a perdu la tête. » M. Méchinet hocha la tête. « À la grande rigueur, prononça-t-il, on pourrait admettre un délire passager. Mais ce matin, après toute une longue nuit de réflexion, M. Monistrol persiste dans ses premiers aveux. Était-ce vrai? Mon digne voisin prenait-il cela sous son bonnet, ou bien, avant de venir me chercher, était-il allé prendre langue au dépôt? Quoi qu'il en soit, la jeune femme parut près de s'évanouir et, cachant sa tête entre ses mains, elle murmura. « Seigneur Dieu, mon pauvre mari est devenu fou. Ce n'était pas là, il s'en faut, mon opinion. » Persuadé désormais que j'assistais à une comédie et que le grand désespoir de cette jeune femme n'était que mensonge, je me demandais si, pour certaines raisons qui m'échappaient, elle n'avait pas déterminé le parti terrible pris par son mari, et si lui, innocent, elle ne connaissait pas le vrai coupable. Mais M. Méchinet n'avait pas l'air d'un homme qui en cherche si long. Après avoir adressé à la jeune femme quelques consolations trop banales pour l'engager en quoi que ce soit, il en était venu à lui donner à entendre qu'elle dissiperait bien des préventions en se prêtant de bonne grâce à une minutieuse perquisition de son domicile. Cette ouverture, elle la saisit avec un empressement qui n'était pas fin. « Cherchez, messieurs, nous dit-elle, examinez, fouillez partout. C'est un service que vous me rendrez, et ce ne sera pas long. Nous n'avons en nom que la boutique, l'arrière-boutique où nous sommes, la chambre de notre bonne au sixième et une petite cave. Voici les clés de partout. » À mon vif étonnement, M. Méchinet accepta, et il parut se livrer aux plus exactes comme aux plus patientes investigations. Où voulait-il en venir? Il ne pouvait pas n'avoir pas quelque but secret, car ses recherches, évidemment, ne devait aboutir à rien. Dès qu'en apparence il eut terminé, « Reste la cave à explorer, dit-il. « Je vais vous y conduire, monsieur, » dit Madame Monistrol. Et aussitôt, s'armant d'une bougie allumée, elle nous fit traverser une cour où l'arrière-boutique avait une seconde issue et nous guida à travers un escalier fort glissant jusqu'à une porte qu'elle nous ouvrit en nous disant « C'est là, entrez, messieurs. » Je commençais à comprendre. D'un regard prompt et exercé, mon digne voisin avait examiné la cave. Elle était misérablement tenue et plus misérablement montée. Dans un coin était debout un petit tonneau de bière, et juste en face, assujetti sur des bûches, se trouvait une barrique de vin, munie d'une cannelle de bois pour tirer à même. À droite, sur des tringles de fer, étaient rangées une cinquantaine de bouteilles pleines. Ces bouteilles, M. Méchinet ne les perdait pas de vue, et il trouva l'occasion de les déranger une à une. Et ce que je vis, il remarqua. Pas une d'elles n'était cachetée de cire verte. Donc le bouchon ramassé par moi, et qui avait servi à garantir la pointe de l'arme du meurtrier, ne sortait pas de la cave des Monistrol. Décidément, fit M. Méchinet, en affectant un certain désappointement, je ne trouve rien, nous pouvons remonter. C'est ce que nous fîmes, mais non dans le même ordre qu'en descendant, car en retour je marchais le premier. Ce fut donc moi qui ouvris la porte de l'arrière-boutique, et tout aussitôt le chien des époux Monistrol se précipita sur moi en aboyant avec tant de fureur que je me jetai en arrière. « Diable, il est méchant votre chien !» dit M. Méchina la jeune femme. Déjà, d'un geste de la main, elle l'avait écarté. « Non, certes, il n'est pas méchant, » fit-elle. « Seulement il est bon de garde. Nous sommes bijoutiers, plus exposés aux voleurs que les autres. Nous l'avons dressé. » Machinalement, ainsi qu'on fait toujours quand on a été menacé par un chien, j'appelais celui-ci par son nom que je savais. « Pluton, Pluton !» Mais lui, au lieu d'approcher, reculait en grondant, montant ses dents aiguës. « Oh, il est inutile que vous l'appeliez, » fit étourdiment Madame Monistrol. « Il ne vous obéira pas. Tiens, pourquoi cela ?»« Ah, c'est qu'il est fidèle. Comme tous ceux de sa race, il ne connaît que son maître et moi. » Ce n'était rien, en apparence, cette phrase. Elle fut pour moi comme un trait de lumière, et sans réfléchir, plus prompt que je ne le serais aujourd'hui. « Où donc était-il, madame, ce chien si fidèle le soir du crime ?» demandai-je. Tel fut l'effet que lui produisit cette question à brûle-pourpoint, qu'elle faillit lâcher le bougeoir qu'elle tenait encore. « Je ne sais pas, » balbutia-t-elle, « je ne me rappelle pas. »« Peut-être avait-il suivi votre mari ?»« En effet, oui, il me semble maintenant me le rappeler. »« C'est donc qu'il est dressé à suivre les voitures, car vous nous avez dit avoir conduit votre mari jusqu'à l'omnibus. » Elle se taisait, et j'allais poursuivre, quand M. Méchinet m'interrompit. Bien loin de profiter du trouble de la jeune femme, il parut prendre la tâche de la rassurer. Et après lui avoir bien recommandé d'obéir à la citation du juge d'instruction, il m'entraîna. Puis, quand nous fûmes dehors, « Perdez-vous donc la tête ?» me dit-il. Le reproche me blessa. « Est-ce donc perdre la tête, fis-je, que de trouver la solution du problème ? Or, je l'ai, cette solution. Le chien du Monistrol nous guidera jusqu'à la vérité. » Ma vivacité fit sourire mon digne voisin, et d'un ton paternel, « Vous avez raison, et je vous ai bien compris. Seulement, si Madame Monistrol a pénétré vos soupçons avant ce soir, ce chien sera mort ou aura disparu. » J'avais commis une imprudence énorme, c'est vrai. Je n'en avais pas moins trouvé le défaut de la cuirasse, ce joint par où on désarticule le plus solide système de défense. Moi, conscrit volontaire, j'avais vu clair là où le vieux routier de la sûreté s'égarait à tâtons. Un autre, peut-être, eût été jaloux et m'en eût voulu, lui non. Il ne songeait qu'à tirer parti de mon heureuse découverte, et comme il le disait, ce ne devait pas être la mer à boire, maintenant que la prévention s'appuyait sur un point de départ positif. Nous entrâmes donc dans un restaurant voisin pour tenir conseil tout en déjeunant. Et voici où en était le problème, qui, lors d'avant, semblait insoluble. Il nous était prouvé jusqu'à l'évidence que Monistrol était innocent. Pourquoi il s'était avoué coupable? Nous pensions bien le deviner, mais la question n'était pas là pour le moment. Nous étions également sûrs que Madame Monistrol n'avait pas bougé de chez elle le soir du meurtre. Mais tout démontrait qu'elle était moralement complice du crime, qu'elle en avait eu connaissance, si même elle ne l'avait conseillé et préparé, et que par contre elle connaissait très bien l'assassin. Qui était-il donc, cet assassin? Un homme à qui le chien de Monistrol obéissait comme à ses maîtres, puisqu'il s'en était fait suivre en allant au Batignolles. Donc c'était un familier de la maison Monistrol. Il devait haïr le mari, cependant, puisqu'il avait tout combiné avec une infernale adresse pour que le soupçon du crime retombât sur cet infortuné. Il fallait, d'un autre côté, qu'il fût bien cher à la femme, puisque le connaissant, elle ne le livrait pas, lui sacrifiant sans hésiter son mari. Donc, oh mon Dieu, la conclusion était toute formulée. L'assassin ne pouvait être qu'un misérable hypocrite, qui avait abusé de l'affection et de la confiance du mari pour s'emparer de la femme. Bref, Madame Monistrol, mentant à sa réputation, avait certainement un amant, et cet amant nécessairement était le coupable. Tout plein de cette certitude, je me mettais l'esprit à la torture pour imaginer quelque ruse infaillible qui nous conduisit jusqu'à ce misérable. Et voici, disais-je à M. Méchinet, comment nous devons, je pense, opérer. Madame Monistrol et l'assassin ont dû convenir qu'après le crime, il resterait un certain temps sans se voir. C'est de la prudence la plus élémentaire. Mais croyez que l'impatience ne tardera pas à gagner la femme et qu'elle voudra revoir son complice. Placez donc près d'elle un observateur qui la suivra partout et avant 2 fois 48 heures, l'affaire est dans le sac. Acharné après sa tabatière vide, M. Méchinet demeura un moment sans répondre, mâchonnant entre ses dents je ne sais quelles paroles inintelligibles. puis tout à coup se penchant vers moi. « Vous n'y êtes pas. Le génie de la profession, vous l'avez, c'est sûr. Je ne vous le conteste pas, mais la pratique vous fait défaut. Je suis là, moi, par bonheur. Quoi ? Une phrase à propos du crime vous met sur la piste et vous ne poursuivez pas. Comment cela ? Il faut l'utiliser, ce caniche fidèle. Je ne saisis pas bien. Alors, sachez attendre. Madame Onistrol sortira vers 2 heures pour être à 3 au palais de justice. La petite bonne sera seule à la boutique. Vous verrez. Je ne vous dis que cela. » Et en effet, j'eus beau insister, il ne voulait rien dire de plus, se vengeant de sa défaite par cette bien innocente malice. Bon gré mal gré, je dus le suivre au café le plus proche où il me força de jouer au domino. Je jouais mal, préoccupé comme je l'étais, et il en abusait sans vergogne pour me battre lorsque la pendule sonna 2 heures. « Debout, les hommes du poste, me dit-il en abandonnant ses dés. Il paya, nous sortîmes, et l'instant d'après, nous étions de nouveau en faction sous la porte cochère d'où nous avions étudié les abords du magasin Monistrol. Nous n'y étions pas depuis 10 minutes, quand Madame Monistrol apparut sur le seuil de sa boutique, vêtue de noir, avec un grand voile de crêpe, comme une veuve. « Jolie toilette d'instruction, » grommela M. Méchinet. Elle adressa quelques recommandations à sa petite domestique et ne tarda pas à s'éloigner. Patiemment, mon compagnon attendit 5 grandes minutes, et quand il supposa la jeune femme déjà loin, « Il est temps, » me dit-il, et pour la seconde fois, nous pénétrâmes dans le magasin de bijouterie. La petite bonne y était seule, assise dans le comptoir, grignotant pour se distraire quelques morceaux de sucre volés à sa patronne. Dès que nous parûmes, elle nous reconnut, et toute rouge et un peu effrayée, elle se dressa. Mais sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche, « Où est Madame Monistrol ?» demanda M. Méchinet. « Sortie, monsieur. » « Vous me trompez, elle est là, dans l'arrière-boutique. Messieurs, je vous jure que non, regardez-y plutôt. » C'est de l'air le plus contrarié que M. Méchinet se frappait le front en répétant. « Comme c'est désagréable, mon Dieu. Comme cette pauvre Madame Monistrol va être désolée. » Et la petite bonne, le regardant bouche béante, l'œil arrondi d'étonnement. « Mais au fait, » continua-t-il, « vous, ma jolie fille, vous pouvez peut-être remplacer votre patronne. Si je reviens, c'est que j'ai perdu l'adresse du monsieur qu'elle m'avait prié de visiter. Quel monsieur ? Vous savez bien, monsieur... Allons bon, voici que j'oublie son nom maintenant. Monsieur... Parbleu, vous ne connaissez que lui, ce monsieur à qui votre diable de chien obéit si bien. Ah, monsieur Victor, c'est cela, juste. Que fait-il, ce monsieur ? Il est ouvrier bijoutier. C'est un grand ami de monsieur. Ils travaillent ensemble, quand monsieur était ouvrier bijoutier avant d'être patron, et c'est même pour cela qu'il fait tout ce qu'il veut de Pluton. Alors vous pouvez me dire où il demeure, ce monsieur Victor ? Certainement. Il demeure rue du Roi Doré, numéro 23. Elle paraissait toute heureuse, la pauvre fille, d'être si bien informée, et moi je souffrais de l'entendre ainsi dénoncer, sans s'en douter, sa patronne. Plus endurci, monsieur Méchinet n'avait pas de ses délicatesses. Et même, nos renseignements obtenus, c'est par une triste raillerie qu'il termina la scène. Au moment où j'ouvrais la porte pour nous retirer, « Merci, » dit-il à la jeune fille, « merci. Vous venez de rendre un fier service à Madame Monistrol, et elle sera bien contente. » Aussitôt sur le trottoir, je n'eus plus qu'une idée. Ajuster nos flûtes et courir rue du Roi Doré, arrêter ce Victor, le vrai coupable, bien évidemment. Un mot de M. Méchinet tomba comme une douche sur mon enthousiasme. « Et la justice, » me dit-il, « sans un mandat du juge d'instruction, je ne puis rien. C'est au palais de justice qu'il faut courir. Mais nous y rencontrerons Madame Monistrol, et si elle nous voit, elle fera prévenir son complice. « Soit, » répondit M. Méchinet, avec une amertume mal déguisée, « soit. Le coupable s'évadera et la forme sera sauvée. Cependant, je pourrai prévenir ce danger. Marchons, marchons plus vite. » Et de fait, l'espoir du succès lui donnait des jambes de cerf. Arrivé au palais, il gravit 4 à 4 le raide escalier qui conduit à la galerie des juges d'instruction et s'adressant au chef des huissiers, il lui demanda si le magistrat chargé de l'affaire du petit vieux des Batignolles était dans son cabinet. « Il y est, » répondit l'huissier, avec un témoin, une jeune dame en noir. « C'est bien elle, » me dit mon compagnon. Puis à l'huissier, « Vous me connaissez, » poursuivit-il. « Vite, donnez-moi de quoi écrire au juge un petit mot que vous lui porterez. » L'huissier partit avec le billet, traînant ses choses sur le carreau poussiéreux, et ne tarda pas à revenir nous annoncer que le juge nous attendait au numéro 9. Pour recevoir M. Méchinet, le magistrat avait laissé Mme Monistrol dans son cabinet, sous la garde de son greffier, et avait emprunté la pièce d'un de ses confrères. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il d'un ton qui me permit de mesurer l'abîme qui sépare un juge d'un pauvre agent de la sûreté. Brièvement et clairement, M. Méchinet exposa nos démarches, leurs résultats et nos espérances. Faut-il le dire, le magistrat ne sembla guère partager nos convictions. « Mais puisque Monistrol l'avoue, répétait-il avec une obstination qui m'exaspérait. Cependant, après bien des explications, « Je vais toujours signer un mandat, » dit-il. En possession de cette pièce indispensable, M. Méchinet s'envola si lestement que je faillis tomber en me précipitant à sa suite dans les escaliers. Un cheval de fiacre ne nous eut pas suivis. Je ne sais pas si nous mîmes un quart d'heure à nous rendre rue du Roi Doré, mais une fois là, « Attention !» me dit M. Méchinet. Et c'est de l'air le plus posé qu'il s'engagea dans l'allée étroite de la maison qui porte le numéro 23. « Monsieur Victor ? » demanda-t-il au concierge. « Au quatrième, la porte à droite, dans le corridor. Est-il chez lui ?»« Oui. » Monsieur Méchinet fit un pas vers l'escalier, puis semblant se raviser. « Il faut que je le régale d'une bonne bouteille, ce brave Victor, » dit-il au portier. « Chez quel marchand de vin va-t-il, par ici ?»« Chez celui d'en face. » Nous y fûmes d'un saut, et d'un ton d'habitué, Monsieur Méchinet commanda. « Une bouteille, s'il vous plaît, et du bon, du cachet vert. »« Ah, par ma foi, cette idée ne me fut pas venue en ce temps-là. Elle était bien simple, pourtant. » La bouteille nous ayant été apportée, mon compagnon exhiba le bouchon trouvé chez le sieur Pigoreau, dit en ténor, et il nous fut aisé de constater l'identité de la cire. À notre certitude morale se joignait désormais une certitude matérielle, et c'est d'un doigt assuré que M. Méchinet frappa à la porte de Victor. « Entrez !» nous cria une voix bien timbrée. La clé était sur la porte, nous entrâmes, et dans une chambre fort propre, j'aperçus un homme d'une trentaine d'années, fluet, pâle et blond, qui travaillait devant un établi. Notre présence ne parut pas le troubler. « Que voulez-vous » demanda-t-il poliment. M. Méchinet s'avança jusqu'à lui et le saisissant par le bras. « Au nom de la loi, je t'arrête !» L'homme devint livide, mais ne baissa pas les yeux. « Vous vous moquez de moi » dit-il d'un air insolent. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» M. Méchinet haussa les épaules. « Ne fais pas l'enfant, » répondit-il. « Ton compte est réglé. On t'a vu sortir de chez le père Antinor, et j'ai dans ma poche le bouchon dont tu t'es servi pour empêcher ton poignard de s'épointer. » Ce fut comme un coup de poing sur la nuque du misérable. Il s'écrasa sur sa chaise en bégayant. « Je suis innocent. »« Tu diras cela au juge, » fit bonnement M. Méchinet, « mais je crains bien qu'il ne te croie pas. Ta complice, la femme Monistrol, a tout avoué. » Comme s'il eût été mu par un ressort, Victor se redressa. « C'est impossible, » s'écria-t-il, « elle n'a rien su. »« Ah, alors tu as fait le coup tout seul. Très bien. C'est toujours autant de confesser. » Puis s'adressant à moi en homme sûr de son fait, « Cherchez dans les tiroirs, cher Monsieur Godeuil, » poursuivit Monsieur Méchinet. « Vous y trouverez probablement le poignard de ce joli garçon et très certainement les lettres d'amour et le portrait de sa dulcinée. » Un éclair de fureur brilla dans l'œil de l'assassin et ses dents grincèrent. Mais la puissante carrure et la poigne de fer de M. Méchinet éteignirent en lui toute velléité de résistance. Je trouvai d'ailleurs dans un tiroir de la commode tout ce que mon compagnon m'avait annoncé. Et 20 minutes plus tard, Victor, proprement emballé, c'est l'expression, dans un fiacre entre M. Méchinet et moi, roulait vers la préfecture de police. « Quoi ? » me disais-je, stupéfié de la simplicité de la scène, l'arrestation d'un assassin, d'un homme promis à l'échafaud, ce n'est que cela. Je devais plus tard apprendre à mes dépens qu'il est des criminels plus terribles. Celui-ci, dès qu'il se vit dans la cellule du dépôt, se sentant perdu, s'abandonna et nous dit son crime par le menu. Il connaissait, nous déclara-t-il, de longue date le père Pigoreau et en était connu. Son but, en l'assassinant, était surtout de faire retomber sur Monistrol le châtiment du crime. Voilà pourquoi il s'était habillé comme Monistrol et s'était fait suivre de Pluton. Et une fois le vieillard assassiné, il avait eu l'horrible courage de tremper dans le sang le doigt du cadavre pour tracer ces 5 lettres, Monis, qui avait failli perdre un innocent. Et c'était joliment combiné. Allez, nous disait-il avec une cynique forfanterie. Si j'avais réussi, je faisais d'une pierre 2 coups. Je me débarrassais de mon ami Monistrol que je hais et dont je suis jaloux, et j'enrichissais la femme que j'aime. C'était simple et terrible en effet. Malheureusement, mon garçon, objecta M. Méchinet, tu as perdu la tête au dernier moment. « Que veux-tu? On n'est jamais complet. Et c'est la main gauche du cadavre que tu as trempée dans le sang. » D'un bond, Victor se dressa. « Quoi ? C'est cela qui m'a perdu ? Juste. Du geste du génie méconnu, le misérable leva le bras vers le ciel. « Soyez donc artiste » s'écria-t-il, et nous toisant d'un air de pitié, il ajouta. « Le père Pigoreau était gaucher. » Ainsi, c'était une faute de l'enquête qui était due à la découverte si prompte du coupable. Cette leçon ne devait pas être perdue pour moi. Je me la rappelais par bonheur dans des circonstances bien autrement dramatiques, que je dirai plus tard. Le lendemain, Monistrol fut mis en liberté. Et comme le juge d'instruction lui reprochait ses aveux mensongers qui avaient exposé la justice à une erreur terrible, il n'en put tirer que ceci. « J'aime ma femme. Je voulais me sacrifier pour elle. Je la croyais coupable. L'était-elle coupable ? Je le jurerais. On l'arrêta, mais elle fut acquittée par le jugement qui condamna Victor aux travaux forcés à perpétuité. Monsieur et Madame Monistrol tiennent aujourd'hui un dépit de vin mal famé sur le cours de Vincennes. L'héritage de leur oncle est loin. Ils sont dans une affreuse misère. » Ainsi s'achève Le Petit Vieux des Batignolles par Émile Gaboriau.